Je demandai à parler au concierge. Il avait été content de ma libéralité et de ma douceur, de sorte qu'ayant quelques dispositions à me rendre service, il me parla du sort de Manon comme d'un malheur dont il avait beaucoup de regrets parce qu'il pouvait m'affliger. Je ne compris point ce langage. Nous nous entretînmes quelques moments sans nous entendre. À la fin, s'apercevant que j'avais besoin d'une explication, il me la donna, telle que j'ai déjà eu horreur de vous la dire et que j'ai encore de la répéter. Jamais apoplexie violente ne causa d'effet plus subit et plus terrible. Je tombai avec une palpitation de cœur si douloureuse qu'à l'instant que je perdis la connaissance, je me crus délivré de la vie pour toujours. Il me resta même quelque chose de cette pensée lorsque je revins à moi. Je tournai mes regards vers toutes les parties de la chambre et sur moi-même pour m'assurer si je portais encore la malheureuse qualité d'homme vivant. Il est certain qu'en ne suivant que le mouvement naturel qui fait chercher à se délivrer de ses peines, rien ne pouvait me paraître plus doux que la mort dans ce moment de désespoir et de consternation. La religion même ne pouvait me faire envisager rien de plus insupportable après la vie que les convulsions cruelles dont j'étais tourmentée. Cependant, par un miracle propre à l'amour, je retrouvai bientôt assez de force pour remercier le ciel de m'avoir rendu la connaissance et la raison. Ma mort n'eût été utile qu'à moi. Manon avait besoin de ma vie pour la délivrer, pour la secourir, pour la venger. Je jurai de m'y employer sans ménagement. Le concierge me donna toute l'assistance que j'eusse pu attendre du meilleur de mes amis. Je reçus ses services avec une vive reconnaissance. Hélas, lui dis-je, vous êtes donc touché de mes peines. Tout le monde m'abandonne. Mon père même est sans doute un de mes plus cruels persécuteurs. Personne n'a pitié de moi. Vous seul, dans le séjour de la dureté et de la barbarie, vous marquez de la compassion pour le plus misérable de tous les hommes. Il me conseillait de ne point paraître dans la rue sans être un peu remis du trouble où j'étais. « Laissez, laissez, » répondis-je en sortant. « Je vous reverrai plus tôt que vous ne pensez. Préparez-moi le plus noir de vos cachots. Je vais travailler à le mériter. » En effet, mes premières résolutions n'allaient à rien moins qu'à me défaire des deux GM et du lieutenant général de police et fondre ensuite à main armée sur l'hôpital avec tous ceux que je pourrais engager dans ma querelle. Mon père lui-même eut à peine été respecté dans une vengeance qui me paraissait si juste, car le concierge ne m'avait pas caché que lui et GM étaient les auteurs de ma perte. Mais lorsque j'eus fait quelques pas dans les rues et que l'air eut un peu rafraîchi mon sang et mes humeurs, ma fureur fit place peu à peu à des sentiments plus raisonnables. La mort de nos ennemis eût été d'une faible utilité pour Manon, et elle m'eût exposée, sans doute, à me voir ôter tous les moyens de la secourir. D'ailleurs, aurais-je eu recours à un lâche assassinat? Quelle autre voie pouvais-je m'ouvrir à la vengeance? Je recueillis toutes mes forces et tous mes esprits pour travailler, d'abord, à la délivrance de Manon, remettant tout le reste après le succès de cette importante entreprise. Il me restait peu d'argent. C'était, néanmoins, un fondement nécessaire par lequel il fallait commencer. Je ne voyais que trois personnes de qui j'en pusse attendre. Monsieur de T, mon père et Tiberge. Il y avait peu d'apparence d'obtenir quelque chose des deux derniers, et j'avais honte de fatiguer l'autre par mes importunités. Mais ce n'est point dans le désespoir qu'on garde des ménagements. J'allais sur le champ au séminaire de Saint-Sulpice, sans m'embarrasser si j'y serais reconnu. Je fis appeler Tiberge. Ses premières paroles me firent comprendre qu'il ignorait encore mes dernières aventures. Cette idée me fit changer le dessein que j'avais de l'attendrir par la compassion. Je lui parlais, en général, du plaisir que j'avais eu de revoir mon père, et je le priai, ensuite, de me prêter quelque argent sous prétexte de payer, avant mon départ de Paris, quelques dettes que je souhaitais de tenir inconnues. Il me présenta aussitôt sa bourse. Je pris 500 francs sur 600 que j'y trouvais. Je lui offris mon billet. Il était trop généreux pour l'accepter. Je tournai de là chez Monsieur de T. Je n'eus point de réserve avec lui. Je lui fis l'exposition de mes malheurs et de mes peines. Il en savait déjà jusqu'aux moindres circonstances, par le soin qu'il avait eu de suivre l'aventure du jeune GM. Il m'écouta néanmoins, et il me plaignit, beaucoup. Lorsque je lui demandais ses conseils sur les moyens de délivrer Manon, il me répondit tristement qu'il y voyait si peu de jours qu'à moins d'un secours extraordinaire du ciel, il fallait renoncer à l'espérance, qu'il avait passé exprès à l'hôpital depuis qu'elle y était enfermée, qu'il n'avait pu obtenir lui-même la liberté de la voir, que les ordres du lieutenant général de police étaient de la dernière rigueur et que, pour comble d'infortune, la malheureuse bande où elle devait entrer était destinée à partir le surlendemain du jour où nous étions. J'étais si consternée de son discours qu'il eût pu parler une heure sans que j'eusse pensé à l'interrompre. Il continua de me dire qu'il ne m'était point allé voir au Châtelet pour se donner plus de facilité à me servir lorsqu'on le croirait sans liaison avec moi, que depuis quelques heures que j'en étais sortie, il avait eu le chagrin d'ignorer où je m'étais retirée et qu'il avait souhaité de me voir promptement pour me donner le seul conseil dont il semblait que je puisse espérer du changement dans le sort de Manon, mais un conseil dangereux auquel il me priait de cacher éternellement qu'il eût part. C'était de choisir quelques braves qui eussent le courage d'attaquer les gardes de Manon lorsqu'il serait sorti de Paris avec elle. Il n'attendit point que je lui parlasse de mon indigence. « Voilà 100 pistoles, me dit-il en me présentant une bourse. Ils pourront vous être de quelque usage. Vous me les remettrez lorsque la fortune aura rétabli vos affaires. » Il ajouta que, si le soin de sa réputation lui permit d'entreprendre lui-même la délivrance de ma maîtresse, il m'eût offert son bras et son épée. Cette excessive générosité me toucha jusqu'aux larmes. J'employai, pour lui marquer ma reconnaissance, toute la vivacité que mon affliction me laissait de reste. Je lui demandai s'il n'y avait rien à espérer par la voie des intercessions auprès du lieutenant général de police. Il me dit qu'il y avait pensé, mais qu'il croyait cette ressource inutile, parce qu'une grâce de cette nature ne pouvait se demander sans motif, et qu'il ne voyait pas bien quel motif on pouvait employer pour se faire un intercesseur d'une personne grave et puissante, que, si l'on pouvait se flatter de quelque chose de ce côté-là, ce ne pouvait être qu'en faisant changer de sentiment à monsieur de G.M. et à son père, et en les engageant à prier eux-mêmes, monsieur le lieutenant général de police, de révoquer sa sentence. Il m'offrit de faire tous ses efforts pour gagner le jeune G.M., quoiqu'il le crût un peu refroidi à son égard par quelques soupçons qu'il avait conçus de lui à l'occasion de notre affaire, et il m'exhorta de ne rien omettre de mon côté pour fléchir l'esprit de mon père. Ce n'était pas une légère entreprise pour moi, je ne dis pas seulement par la difficulté que je devais naturellement trouver à le vaincre, mais par une autre raison qui me faisait même redouter ses approches. Je m'étais dérobée de son logement contre ses ordres, et j'étais fort résolue de ne pas y retourner depuis que j'avais appris la triste destinée de Manon. J'appréhendais, avec sujet, qu'il ne me fît retenir malgré moi et qu'il ne me conduisît de même en province. Mon frère aîné avait usé autrefois de cette méthode. Il est vrai que j'étais devenue plus âgée, mais là j'étais une faible raison contre la force. Cependant, je trouvais une voie qui me sauvait du danger. C'était de le faire appeler dans un endroit public et de m'annoncer à lui sous un autre nom. Je pris aussitôt ce parti. Monsieur de T s'en alla chez G.M. et moi au Luxembourg, d'où j'envoyai avertir mon père qu'un gentilhomme de ses serviteurs était à l'attendre. Je craignais qu'il n'eût quelque peine à venir parce que la nuit approchait. Il parut néanmoins, peu après, suivi de son laquais. Je le priai de prendre une allée où nous puissions être seuls. Nous fîmes 100 pas, pour le moins, sans parler. Il s'imaginait bien, sans doute, que tant de préparations ne s'étaient pas faites sans un dessein d'importance. Il attendait ma harangue, et je la méditais. Enfin, j'ouvris la bouche. « Monsieur, lui dis-je en tremblant, vous êtes un bon père. Vous m'avez comblé de grâce, et vous m'avez pardonné un nombre infini de fautes. Aussi, le ciel m'est-il témoin que j'ai pour vous tous les sentiments du fils le plus tendre et le plus respectueux. Mais il me semble que votre rigueur... » Eh bien, ma rigueur ? Interrompit mon père, qui trouvait sans doute que je parlais lentement pour son impatience. « Ah, monsieur, repris-je, il me semble que votre rigueur est extrême dans le traitement que vous avez fait à la malheureuse Manon. Vous vous en êtes rapporté à monsieur de G.M. Sa haine, vous la présentez sous les plus noires couleurs. Vous vous êtes formé d'elle une affreuse idée. Cependant, c'est la plus douce et la plus aimable créature qui fût jamais. Que n'a-t-il plu au ciel de vous inspirer l'envie de la voir un moment? Je ne suis pas plus sûre qu'elle est charmante que je le suis qu'elle vous l'aurait paru. Vous auriez pris parti pour elle, vous auriez détesté les noirs artifices de GM, vous auriez eu compassion d'elle et de moi. Hélas, j'en suis sûre, votre cœur n'est pas insensible, vous vous seriez laissé attendrir. Il m'interrompit encore, voyant que je parlais avec une ardeur qui ne m'aurait pas permis de finir si tôt. Il voulut savoir à quoi j'avais dessein d'en venir par un discours si passionné. « À vous demander la vie, répondis-je, que je ne puis conserver un moment si Manon part une fois pour l'Amérique. « Non, non, me dit-il d'un ton sévère, j'aime mieux te voir sans vie que sans sagesse et sans honneur. N'allons donc pas plus loin, m'écriai-je en l'arrêtant par le bras. Ôtez-la-moi, cette vie odieuse et insupportable. Car, dans le désespoir où vous me jetez, la mort sera une faveur pour moi. C'est un présent digne de la main d'un père. Je ne te donnerai que ce que tu mérites, répliqua-t-il. Je connais bien des pères qui n'auraient pas attendu si longtemps pour être eux-mêmes tes bourreaux. Mais c'est ma bonté excessive qui t'a perdu. Je me jetai à ses genoux. Ah, s'il vous en reste encore, lui dis-je en les embrassant. Ne vous endurcissez donc pas contre mes pleurs. Songez que je suis votre fils. Hélas, souvenez-vous de ma mère. Vous l'aimiez si tendrement. Auriez-vous souffert qu'on l'eût arraché de vos bras? Vous l'auriez défendu jusqu'à la mort. Les autres n'ont-ils pas un cœur comme vous? Peut-on être barbare après avoir une fois éprouvé ce que c'est que la tendresse et la douleur? Ne me parle pas davantage de ta mère, reprit-il d'une voix irritée. Ce souvenir échauffe mon indignation. Tes désordres la feraient mourir de douleur si elle eût assez vécu pour les voir. Finissons cet entretien, ajouta-t-il. Il m'importune et ne me fera point changer de résolution. Je retourne au logis, je t'ordonne de me suivre. Le ton sec et dur avec lequel il m'intima cet ordre me fit trop comprendre que son cœur était inflexible. Je m'éloignai de quelques pas, dans la crainte qu'il ne lui prît envie de m'arrêter de ses propres mains. « N'augmentez pas mon désespoir, lui dis-je, en me forçant de vous obéir. Il est impossible que je vous suive. Il ne l'est pas moins que je vive, après la dureté avec laquelle vous me traitez. Ainsi je vous dis un éternel adieu. Ma mort, que vous apprendrez bientôt, ajoutai-je tristement, vous fera peut-être reprendre pour moi des sentiments de père. » Comme je me tournais pour le quitter, « Tu refuses donc de me suivre ?» s'écria-t-il avec une vive colère. « Va, cours à ta perte. Adieu, fils ingrat et rebelle. Adieu, lui dis-je dans mon transport. Adieu, père barbare et dénaturé. » Je sortis aussitôt du Luxembourg. Je marchais dans les rues comme un furieux jusqu'à la maison de Monsieur de T. Je levais, en marchant, les yeux et les mains pour invoquer toutes les puissances célestes. « Ô ciel, disais-je, serez-vous aussi impitoyable que les hommes? Je n'ai plus de secours à attendre que de vous. » Monsieur de T. n'était point encore retourné chez lui, mais il revint, après que je l'y eus attendu quelques moments. Sa négociation n'avait pas réussi mieux que la mienne. Il me le dit d'un visage abattu. Le jeune G.M., quoique moins irrité que son père contre Manon et contre moi, n'avait pas voulu entreprendre de le solliciter en notre faveur. Il s'en était défendu par la crainte qu'il avait lui-même de ce vieillard vindicatif, qui s'était déjà fort emporté contre lui en lui reprochant ses desseins de commerce avec Manon. Il ne me restait donc que la voie de la violence, telle que Monsieur de T. m'en avait tracé le plan. J'y réduisis toutes mes espérances. Elles sont bien incertaines, lui dis-je, mais la plus solide et la plus consolante pour moi et celle de périr du moins dans l'entreprise. Je le quittai en le priant de me secourir par ses vœux, et je ne pensais plus qu'à m'associer des camarades à qui je pusse communiquer une étincelle de mon courage et de ma résolution. Le premier qui s'offrit à mon esprit fut le même garde du corps que j'avais employé pour arrêter GM. J'avais dessein aussi d'aller passer la nuit dans sa chambre, n'ayant pas eu l'esprit assez libre pendant l'après-midi pour me procurer un logement. Je le trouvai seul. Il eut de la joie de me voir sorti du Châtelet. Il m'offrit affectueusement ses services. Je lui expliquai ce qu'il pouvait me rendre. Il avait assez de bon sens pour en apercevoir toutes les difficultés, mais il fut assez généreux pour entreprendre de les surmonter. Nous employâmes une partie de la nuit à raisonner sur mon dessein. Il me parla des 3 soldats aux gardes, dont il s'était servi dans la dernière occasion, comme de 3 braves à l'épreuve. Monsieur de T m'avait informé exactement du nombre des archers qui devaient conduire Manon. Il n'était que 6. 5 hommes hardis et résolus suffisaient pour donner l'épouvante à ces misérables, qui ne sont point capables de se défendre honorablement lorsqu'ils peuvent éviter le péril du combat par la lâcheté. Comme je ne manquais point d'argent, le garde du camp me conseilla de ne rien épargner pour assurer le succès de notre attaque. « Il nous faut des chevaux, me dit-il, avec des pistolets, et chacun notre mousqueton. Je me charge de prendre demain le soin de ces préparatifs. Il faudra aussi 3 habits communs pour nos soldats, qui n'oseraient paraître, dans une affaire de cette nature, avec l'uniforme du régiment. » Je lui mis entre les mains les 100 pistoles que j'avais reçues de Monsieur de T. Elles furent employées, le lendemain, jusqu'au dernier sol. Les 3 soldats passèrent en revue devant moi. Je les animai par de grandes promesses et, pour leur ôter toute défiance, je commençai par leur faire présent, à chacun, de 10 pistoles. Le jour de l'exécution étant venu, j'en envoyai un de grand matin à l'hôpital pour s'instruire, par ses propres yeux, du moment auquel les archers partiraient avec leur proie. Quoique je n'eusse pris cette précaution que par un excès d'inquiétude et de prévoyance, il se trouva qu'elle avait été absolument nécessaire. J'avais compté sur quelques fausses informations qu'on m'avait données de leur route et, m'étant persuadé que c'était à La Rochelle que cette déplorable troupe devait être embarquée, j'aurais perdu mes peines à l'attendre sur le chemin d'Orléans. Cependant, je fus informé, par le rapport du soldat aux gardes, qu'elle prenait le chemin de Normandie et que c'était du Havre de Grâce qu'elle devait partir pour l'Amérique. Nous nous rendîmes aussitôt à la porte Saint-Honoré, observant de marcher par des rues différentes. Nous nous réunîmes au bout du faubourg. Nos chevaux étaient frais. Nous ne tardâmes point à découvrir les 6 gardes et les 2 misérables voitures que vous vîtes à Passy il y a 2 ans. Ce spectacle faillit m'ôter la force et la connaissance. « Oh, fortune ! M'écriai-je, fortune cruelle ! Accorde-moi ici, du moins, la mort ou la victoire !» Nous tâmes conseil un moment sur la manière dont nous ferions notre attaque. Les archers n'étaient guère plus de 400 pas devant nous, et nous pouvions les couper en passant au travers d'un petit champ autour duquel le grand chemin tournait. Le garde du corps fut d'avis de prendre cette voie pour les surprendre en fondant d'un coup sur eux. J'approuvai sa pensée et je fus le premier à piquer mon cheval. Mais la fortune avait rejeté impitoyablement mes vœux. Les archers, voyant 5 cavaliers accourir vers eux, ne doutèrent point que ce ne fût pour les attaquer. Ils se mirent en défense, en préparant leurs baïonnettes et leurs fusils d'un air assez résolu. Cette vue, qui ne fit que nous animer, le garde du corps et moi, ôta tout d'un coup le courage à nos 3 lâches compagnons. Ils s'arrêtèrent comme de concert et, s'étant dit entre quelques mots que je n'entendis point, ils tournèrent la tête de leurs chevaux pour reprendre le chemin de Paris à bride abattue. « Dieu !» me dit le garde du corps, qui paraissait aussi éperdu que moi de cette infâme désertion. « Qu'allons-nous faire ? Nous ne sommes que 2 !» J'avais perdu la voix de fureur et d'étonnement. Je m'arrêtais, incertain, si ma première vengeance ne devait pas s'employer à la poursuite et au châtiment des lâches qui m'abandonnaient. Je les regardais fuir et je jetais les yeux de l'autre côté sur les archers. S'il m'eût été possible de me partager, j'aurais fondu tout à la fois sur ces 2 objets de ma rage. Je les dévorais tous ensemble. Le garde du corps, qui jugeait de mon incertitude par le mouvement égaré de mes yeux, me pria d'écouter son conseil. N'étant que 2, me dit-il, il y aurait de la folie à attaquer 6 hommes, aussi bien armés que nous, et qui paraissent nous attendre de pied ferme. Il faut retourner à Paris et tâcher de réussir mieux dans le choix de nos braves. Les archers ne sauraient faire de grandes journées avec 2 pesantes voitures. Nous les rejoindrons demain sans peine. Je fis un moment de réflexion sur ce parti, mais, ne voyant de tous côtés que des sujets de désespoir, je pris une résolution véritablement désespérée. Ce fut de remercier mon compagnon de ses services et, loin d'attaquer les archers, je résolus d'aller avec soumission les prier de me recevoir dans leurs troupes pour accompagner Manon avec eux jusqu'au Havre de Grâce et passer ensuite au-delà des mers avec elle. « Tout le monde me persécute ou me trahit, » dis-je au garde du corps. « Je n'ai plus de fonds à faire sur personne, je n'attends plus rien, ni de la fortune, ni du secours des hommes. Mes malheurs sont au comble, il ne me reste plus que de m'y soumettre. Ainsi, je ferme les yeux à toute espérance. Puisse le ciel récompenser votre générosité. Adieu, je vais aider mon mauvais sort à consommer ma ruine, en y courant moi-même volontairement. » Il fit inutilement ses efforts pour m'engager à retourner à Paris. Je le priai de me laisser suivre mes résolutions et de me quitter sur le champ, de peur que les archers ne continuassent de croire que notre dessein était de les attaquer. J'allai seul vers eux, d'un pas lent, et le visage si consterné qu'il ne dut rien trouver d'effrayant dans mes approches. Il se tenait néanmoins en défense. « Rassurez-vous, messieurs, leur dis-je en les abordant, je ne vous apporte point la guerre, je viens vous demander des grâces. » Je les priai de continuer leur chemin sans défiance, et je leur appris, en marchant, les faveurs que j'attendais d'eux. Ils consultèrent, ensemble, de quelle manière ils devaient recevoir cette ouverture. Le chef de la bande prit la parole pour les autres. Il me répondit que les ordres qu'ils avaient de veiller sur leur captive étaient d'une extrême rigueur, que je lui paraissais néanmoins un si joli homme que lui et ses compagnons se relâcheraient un peu de leurs devoirs, mais que je devais comprendre qu'il fallait qu'il m'en coûtât quelque chose. Il me restait environ 15 pistoles. Je leur dis, naturellement, en quoi consistait le fond de ma bourse. « Eh bien, me dit l'archer, nous en userons généreusement. Il ne vous coûtera qu'un écu par heure pour entretenir celle de nos filles qui vous plaira le plus. C'est le prix courant de Paris. » Je ne leur avais pas parlé de Manon en particulier parce que je n'avais pas dessein qu'ils connussent ma passion. Ils s'imaginèrent, d'abord, que ce n'était qu'une fantaisie de jeune homme qui me faisait chercher un peu de passe-temps avec ses créatures. Mais lorsqu'ils crurent s'être aperçus que j'étais amoureux, ils augmentèrent tellement le tribut que ma bourse se trouva épuisée en partant de Mantes où nous avions couché le jour que nous arrivâmes à Passy. Vous dirai-je quel fut le déplorable sujet de mes entretiens avec Manon pendant cette route, ou quelle impression sa vue fit sur moi lorsque j'eus obtenu des gardes la liberté d'approcher de son chariot? Les expressions ne rendent jamais qu'à demi les sentiments du cœur. Mais figurez-vous ma pauvre maîtresse enchaînée par le milieu du corps, assise sur quelques poignées de paille, la tête appuyée languissamment sur un côté de la voiture, le visage pâle et mouillé d'un ruisseau de larmes qui se faisait un passage au travers de ses paupières, quoiqu'elle eût continuellement les yeux fermés. Elle n'avait pas même eu la curiosité de les ouvrir lorsqu'elle avait entendu le bruit de ses gardes qui craignaient d'être attaqués. Son linge était sale et dérangé, ses mains délicates exposées à l'injure de l'air. Enfin, tout ce composé charmant, cette figure capable de ramener l'univers à l'idolâtrie, paraissait dans un désordre et un abattement inexprimable. J'employai quelque temps à la considérer en allant à cheval à côté du chariot. J'étais si peu à moi-même que je fus sur le point plusieurs fois de tomber dangereusement. Mes soupirs et mes exclamations fréquentes m'attirèrent d'elle quelques regards. Elle me reconnut, et je remarquai que, dans le premier mouvement, elle tenta de se précipiter hors de la voiture pour venir à moi. Mais, étant retenue par sa chaîne, elle retomba dans sa première attitude. Je priai les archers d'arrêter un moment par compassion. Ils y consentirent par avarice. Je quittai mon cheval pour m'asseoir auprès d'elle. Elle était si languissante et si affaiblie qu'elle fut longtemps sans pouvoir se servir de sa langue ni remuer ses mains. Je les mouillai pendant ce temps-là de mes pleurs et, ne pouvant proférer moi-même une seule parole, nous étions, l'un et l'autre, dans une des plus tristes situations dont il y ait jamais eu d'exemple. Nos expressions ne le furent pas moins Lorsque nous eûmes retrouvé la liberté de parler, Manon parla peu. Il semblait que la honte et la douleur eussent altéré les organes de sa voix. Le son en était faible et tremblant. Elle me remercia de ne l'avoir pas oubliée et de la satisfaction que je lui accordais, dit-elle en soupirant, de me voir du moins encore une fois et de me dire le dernier adieu. Mais, lorsque je lui assurai que rien n'était capable de me séparer d'elle et que j'étais disposée à la suivre jusqu'à l'extrémité du monde pour prendre soin d'elle, pour la servir, pour l'aimer et pour attacher inséparablement ma misérable destinée à la sienne, cette pauvre fille se livra à des sentiments si tendres et si douloureux que j'appréhendais quelque chose pour sa vie d'une si violente émotion. Tous les mouvements de son âme semblaient se réunir dans ses yeux. Elle les tenait fixés sur moi. Quelquefois, elle ouvrait la bouche sans avoir la force d'achever quelques mots qu'elle commençait. Il lui en échappait néanmoins quelques-uns. C'étaient des marques d'admiration sur mon amour, de tendres plaintes de son excès, des doutes qu'elle pût être assez heureuse pour m'avoir inspiré une passion si parfaite, des instances pour me faire renoncer au dessein de la suivre et chercher ailleurs un bonheur digne de moi, qu'elle me disait que je ne pouvais espérer avec elle. En dépit du plus cruel de tous les sorts, je trouvais ma félicité dans ses regards et dans la certitude que j'avais de son affection. J'avais perdu, à la vérité, tout ce que le reste des hommes estime, mais j'étais maître du cœur de Manon, le seul bien que j'estimais. Vivre en Europe, vivre en Amérique, que m'importait-il, en quel endroit vivre, si j'étais sûr d'y être heureux en y vivant avec ma maîtresse? Tout l'univers n'est-il pas la patrie de deux amants fidèles? Ne trouve-t-il pas l'un dans l'autre père, mère, parents, amis, richesse et félicité? Si quelque chose me causait de l'inquiétude, c'était la crainte de voir Manon exposée aux besoins de l'indigence. Je me supposais déjà avec elle dans une région inculte et habitée par des sauvages. Je suis bien sûr, disais-je, qu'il ne saurait y en avoir d'aussi cruel que G.M. et mon père. Ils nous laisseront du moins vivre en paix. Si les relations qu'on en fait sont fidèles, ils suivent les lois de la nature. Ils ne connaissent ni les fureurs de l'avarice que possède G.M., ni les idées fantastiques de l'honneur qui m'ont fait un ennemi de mon père. Ils ne troubleront point deux amants qu'ils verront vivre avec autant de simplicité qu'eux. J'étais donc tranquille de ce côté-là. Mais je ne me formais point des idées romanesques par rapport aux besoins communs de la vie. J'avais éprouvé trop souvent qu'il y a des nécessités insupportables, surtout pour une fille délicate qui est accoutumée à une vie commode et abondante. J'étais au désespoir d'avoir épuisé inutilement ma bourse et que le peu d'argent qui me restait fût encore sur le point de m'être ravi par la friponnerie des archers. Je concevais qu'avec une petite somme, j'aurais pu espérer non seulement de me soutenir quelque temps contre la misère en Amérique, où l'argent était rare, mais d'y former même quelque entreprise pour un établissement durable. Cette considération me fit naître la pensée d'écrire à Tiberge, que j'avais toujours trouvé si prompte à m'offrir les secours de l'amitié. J'écrivis dès la première ville où nous passâmes. Je ne lui apportais point d'autre motif que le pressant besoin dans lequel je prévoyais que je me retrouverais au Havre de Grâce, où je lui confessais que j'étais allée conduire Manon. Je lui demandais 100 pistoles. « Faites-les-moi tenir au Havre, lui disais-je, par le maître de poste. Vous voyez bien que c'est la dernière fois que j'importune votre affection, et que, ma malheureuse maîtresse m'étant enlevée pour toujours, je ne puis la laisser partir sans quelque soulagement qui adoucisse son sort et mes mortels regrets. » Les archers devinrent si intraitables lorsqu'ils eurent découvert la violence de ma passion que, redoublant continuellement le prix de leur moindre faveur, ils me réduisirent bientôt à la dernière indigence. L'amour, d'ailleurs, ne me permettait guère de ménager ma bourse. Je m'oubliais du matin au soir près de Manon, et ce n'était plus par heure que le temps m'était mesuré, c'était par la longueur entière des jours. Enfin, ma bourse étant tout à fait vide, je me trouvais exposée aux caprices et à la brutalité de six misérables qui me traitaient avec une hauteur insupportable. Vous en fûtes témoin à Passy. Votre rencontre fut un heureux moment de relâche qui me fut accordé par la fortune. Votre pitié, à la vue de mes peines, fut ma seule recommandation auprès de votre cœur généreux. Le secours que vous m'accordâtes libéralement servit à me faire gagner le Havre, et les archers tinrent leurs promesses avec plus de fidélité que je ne l'espérais. Nous arrivâmes au Havre, j'allai d'abord à la poste. Tiberge n'avait point encore eu le temps de me répondre. Je m'informai exactement quel jour je pouvais attendre sa lettre. Elle ne pouvait arriver que 2 jours après, et, par une étrange disposition de mon mauvais sort, il se trouva que notre vaisseau devait partir le matin de celui auquel j'attendais l'ordinaire. Je ne puis vous représenter mon désespoir. Quoi ? M'écriai-je, dans le malheur même, il faudra toujours que je sois distinguée par des excès. Manon répondit : Hélas, une vie si malheureuse mérite-t-elle le soin que nous en prenons ? Mourons au Havre, mon cher chevalier, que la mort finisse tout d'un coup nos misères. Irons-nous les traîner dans un pays inconnu où nous devons nous attendre, sans doute, à d'horribles extrémités, puisqu'on a voulu m'en faire un supplice ? Mourons, me répéta-t-elle, ou du moins, donne-moi la mort, et va chercher un autre sort dans les bras d'une amante plus heureuse. Non, non, lui dis-je, c'est pour moi un sort digne d'envie que d'être malheureux avec vous. Son discours me fit trembler. Je jugeai qu'elle était accablée de ces mots. Je m'efforçai de prendre un air plus tranquille, de lui ôter ses funestes pensées de mort et de désespoir. Je résolus de tenir la même conduite à l'avenir. Et j'ai éprouvé, dans la suite, que rien n'est plus capable d'inspirer du courage à une femme que l'intrépidité d'un homme qu'elle aime.